savez, Evelyne, je pense bien souvent à mon oncle Alfred. Oh oui, je sais que vous pensez beaucoup à lui. Et vous savez, Evelyne, je pense bien souvent à son testament. Et je sais que vous y pensez beaucoup parce que vous êtes très intéressée. Vous y pensez beaucoup. Oui, alors quand je pense à mon oncle, je pense à lui. Mon oncle, être animé, je pense à lui. Pronom personnel, lui qui le remplace. Mais quand vous songez à son testament qui vous intéresse, vous y pensez, vous y songez souvent. Et à ce moment-là, vous employez « i », « y », parce qu'il s'agit ici non pas d'une personne vivante, mais d'une chose, l'héritage de votre oncle Alfred. Donc ce « i » représente un groupe de mots précédé de la préposition « à ». C'est ce qu'on appelle une construction indirecte, qu'on trouve avec des expressions bien différentes. Par exemple, il prend plaisir à jouer au baseball, il y prend plaisir. Il prendra part à cette réunion, il y prendra part. Une petite exception toutefois, on aime bien ça. Lorsque vous dites, mon cher Ivan, ne manquez pas de passer me voir lorsque vous serez dans le midi. Oh, je n'y manquerai pas, ma chère Evelyne. Et là, on a bien utilisé y. Mais attention, c'est une expression toute faite, hein, et c'est un petit peu exceptionnel, vous le disiez. Je ne manquerai pas de vous voir. Il s'agit de la préposition « de », non de la préposition « à », dans un emploi tout à fait spécial et assez abstrait. Si c'était plus concret, nous manquons de pain, on dirait « nous en manquons ». L'un des usages privilégiés de ce pronom « i », c'est bien de marquer le lieu. Est-ce que tu t'es rendu à l'école en passant par chez le boulanger ? Ah non, je m'y suis rendu directement. Ou bien « j'y suis allé », ou bien « j'y suis, j'y reste ». Et à ce moment-là, « i », le « y », est mis pour « je suis ici, je reste ici ». Il est mis pour un adverbe de lieu. Et très souvent, il a une utilisation relativement vague, disons. Ce qui est précis, c'est que c'est toujours l'endroit où l'on va, et non pas l'endroit d'où l'on vient. « J'y vais », c'est « je vais à tel endroit ». Si c'est la provenance, on utilisera « en ». « J'en viens, j'en arrive ». J'étais à Carpentras avant-hier, « j'en arrive tout juste ». Alors, il a une utilisation extrêmement souple, hein, ce mot « i ». Par exemple, tu vas chercher du lait ? Ah oui, j'y vais. Il faut se mettre au travail. Ah ben, allons-y. Alors là, franchement, il ne s'agit plus du tout de remplacer quoi que ce soit par ce « i ». Allons-y où, ça n'a pas de sens. C'est simplement une expression presque toute faite, qu'on appelle une expression lexicalisée, puisque dans ce cas-là, « i » ne remplace rien d'autre que lui-même. Oui, on appelle ça un « i », un « y » explétif. Par exemple, « je n'y vois plus clair ». On peut le supprimer, on peut dire « je ne vois plus clair ».« Je n'y vois plus clair », c'est simplement une façon de s'exprimer. Il s'y prend très bien. Alors là, le « i », « y » est indispensable. Il s'y prend très bien pour démonter le moteur. On ne dira jamais « il se prend très bien pour démonter le moteur ». Ce « y », on ne peut pas s'en passer. Comme dans l'expression « il y a trois fruits sur mon assiette ». Et un connaisseur en vin s'y connaît, et même s'y connaît en vin. Alors là, vous voyez qu'on a les deux constructions, les deux compléments qui se chevauchent. Il s'y connaît en vin. C'est peut-être un peu redondant, un peu pléonastique, mais c'est très fréquent. Attention, il y a des pléonasmes qui sont franchement incorrects. On ne doit pas dire « la maison où j'y ai passé mes vacances est très jolie ». On dit « la maison où j'ai passé mes vacances est très jolie ». Dans un lexique beaucoup plus familier, peut-être même populaire, il y a une faute plus rare du genre « ah ben dis donc Alfred, dis-y à ton patron qui pourrait peut-être te filer une augmentation ». Oui, dis-y à ton chef, dis-y. Et puis, si vous voyez des gens qui se battent, pas très correct, hein, mais oh combien savoureux. « Vas-y, vas-y, morsi l'œil, t'auras la cuisse ».